Chapitre 9. Installation dans la tour. Oui, une enfant, cette mademoiselle Norette, tout à fait une enfant. Ses yeux le disent, que rien ne semble inquiéter. Très noir, malicieux et doux, innocemment ouvert sur la vie. Elle est femme par la volonté. Ayant perdu sa mère à 12 ans, entre un père ami du repos et la rugueuse Saladine, depuis, c'est elle qui gouverne. Oh, sans paraître commandée. Seulement, avec ses airs de bon tyran, Monsieur Honorat ne fait que ce qu'elle a bien voulu approuver d'avance. Et malgré ses colères et ses cris d'aigle, Saladine, elle-même, lui obéit. Mademoiselle Norette a dû vouloir que je m'installe au château, car Monsieur Honorat, à force d'instance, m'y a décidé. Et ce matin, Saladine me déménage. Il paraît que le Bacchus navigateur, avec ma chambre attenante à la salle commune, est toujours pleine, par les trous de la cloison, du bruit des joueurs et du bourdonnement des mouches, n'était pas un logis convenable pour moi. Et puis, me dit Monsieur Honorat, que penseraient les gens s'ils savaient que je laisse à l'auberge, comme des colporteurs ou bien des comédiens, le fils et l'ami du patron Ruff? J'ai donc quitté le Bacchus navigateur, où je continuerai pourtant à prendre mes repas avec Gantôme. Monsieur Honorat nous offre, à Gantôme et à moi, toute une tranche de sa tour. La chose au Puget n'a rien qui choque. Habiter sous le même toit, même quand sous ce toit est une jeune fille, n'implique pas l'intimité. Les maisons ont souvent 3-4 propriétaires. Chacun occupe son coin, sans s'inquiéter du voisin. Et en cas de procès, on ne se reconnaît pas toujours aisément dans l'enchevêtrement des étages. Retrait un peu haut, cette tour, mais charmant, comme fait pour moi. Les archives sont au-dessus, dans une manière de galetas, ce qui rendra tout à fait commode mes recherches. Et pour ne pas perdre de temps, tandis que j'écoute à travers le plancher Saladine et Norette, l'une grondant, l'autre riant, remuée des meubles, j'ai passé toute une après-midi délicieuse à secouer ces papiers jaunis, ces parchemins recroquevillés, d'où monte le parfum des âges. Plusieurs chartes que je me réserve d'étudier. Un terrier de 1400, où les noms de lieux sacrilègement travestis par nos employés au cadastre, les noms de familles disparues, apparaissent dans leur originelle vérité sous l'écorce d'un rude provençal paysan ou d'un latin naïvement barbare. Après le galta, il y a la terrasse. Terrasse à la mode du pays, bordée d'un haut parapet en bâtisse qui va diminuant suivant la pente du toit d'allée, de façon qu'à l'extrémité de la pente, on puisse s'accouder pour voir le paysage et que sur les trois autres faces, on trouve toujours un coin d'ombre fraîche en été, un coin de soleil en hiver. Perché comme un guetteur, je pourrais au loin voir passer patron Ruff et sa voile blanche. Un ruisseau chante sous la tour. Des sources invisibles filtrant au pied du rocher l'alimentent. Mais à 100 mètres, le ruisseau cesse de luire dans le lit pierreux du vallon, tarit tout de suite qu'il est par les saignées qui pratiquent les propriétaires d'une infinité de jardinets dont les muraillettes en pierre sèche vont dégringolant la montagne. Ici, on se rend très bien compte, topographiquement, de l'histoire du Pouget mort. Autant jadis, avant les défrichements et les cultures, l'eau des sources devait descendre abondante jusqu'à la mer, et l'aride calanque d'aigues sèches servait alors d'aiguade aux marins. Peut-être les Phéniciens, et puis les Grecs, eurent-ils là un petit port. Mais à coup sûr, les Sarrasins connurent la plage et y abritèrent leurs barques légères. Plus tard seulement, ils montèrent et s'établirent au Puget, demeurée telle qu'ils l'ont bâtie, avec ses rues en escalier, où les maisons penchantes s'entre-baiseraient si, de loin en loin, une voûte, un arceau, n'y mettait bon ordre. Gardent-ils quelque vague souvenir de leur origine ces hommes qui, là-bas, leur travail fini, devant la vieille maison commune, accoudée comme moi au parapet d'une terrasse, contemplent obstinément, dans l'espérance de je ne sais quoi, qui doit venir, la mer, le chemin bleu de l'antique patrie oubliée. Un « Monsieur ! Hé, monsieur !» interrompt mes réflexions archéologiques. C'est Saladin, inquiète, affairée, qui s'avance vers moi, se retournant pour voir si quelqu'un ne la suit pas. Pourquoi ces airs mystérieux? Et que peut bien me vouloir Saladin ?